96.2. La FM en couleur. Sur le 96.2, si vous venez de nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 17h. C'est votre émission Groupe Tropical. Un groupe tropical spécial compas cet après-midi avec les meilleurs titres que vous aimez, des nouveautés bien sûr, des coups de cœur, mais aussi des souvenirs et des hommages, notamment celui adressé à Isnard Doubili, du groupe System Band, qui est décédé tout récemment, je crois que c'était le 11 septembre, à l'âge de 72 ans. Et on va commencer tout de suite avec un titre que vous connaissez certainement, le titre Paletti, donc un des rois du compas. Écoutez ça. 15h, 17h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Groupe Tropical, spécial compas. Il était mon bonheur qui était un verre, que la vie t'est finie. gen garçon ka bre ta ve ou. Qui est-ce qui l'a dit? Just New York là. Qui est-ce qui l'a? C'est nous qui l'a. Qui est-ce qui l'a mandé? Just moment. Qui est-ce qui l'a dit? C'est nous qui l'a. Allô les pilules. Sans forcer la frappe, et toi, dis messieurs, bien campé, bien éduqué, décidé pour rassembler, pour créer, juste nous y en sera ça, avec une bonne confiance, bien pourré, sans hésiter. Franchement, à qui au pourré, de tous les côtés, y'a dit pas qu'un défi, y'a pas qu'à lever, et nous y'a compté sur nous, et puis là, j'en sais rien dépenser. C'est vrai, fanatique, yo fin approuvé depuis longtemps. Yo fin reconnaître ses dons. Nous camper devant yo à tout fierté. Nous dit, votre nous y a réformé. Pour qu'on va en direction. A camper détermination. Yo dit, yo fin blague. C'est avec nous y a marché. Yo décidé, c'est avec nous y a parlé. Yo dit, nous a dicté. C'est qui mon boy ici? Dis-moi, vivons! Allô, les pilules! Ah, quand si elle mettait jazz là, c'était le groupe New Look, hein, car non, c'était pas New Look, qu'est-ce que je raconte? Jazz, New Look là. En tout cas, ça fait du bien quand même d'entendre ce très, ces très très bons morceaux. Des morceaux souvenirs, bien sûr, parce que je crois que l'album est sorti au milieu des années 2000, je crois 2010. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, tout de suite une nouveauté, si ça veut bien démarrer, parce que j'ai pas l'impression. Si, si, ça vient, tout doucement, mais sûrement. Groupe Tropical spécial qu'on passe cet après-midi avec des nouveautés, des coups de cœur, des souvenirs, comme celui-ci, avec le groupe T-Vice, une vraie petite bombe, sortie sur les platines il y a une quinzaine de jours. Yo toujou di, ke male yon moun, se moun e ki nou lop tap chèche, e sou mou kamon, ou li pyo pa jan di. 15h, 17h, c'est Chantal qui vous accompagne. Baby, kite mwen di, kite mwen fri,

What's À 17h, le meilleur du compas, rien que pour vous, pour tous les fanatiques comme moi. C'était le tout dernier album du groupe Kai. Allez, restez bien calés sur le 96.2 si vous aimez le live. Tout de suite, 10 minutes de bonheur avec le groupe Vaille, bien sûr, Mickaël Guéron. Alors, levez la main, levez la main, on va chanter, on va donner attention. Na na na, eh, hey. Oh, de ti d'accord. Si un moment seulement nous t'y voulait passer. Parfois l'on aimait, just for one night. C'est pas bagay, c'est riel, yeah. Dans un programme, t'es croisé. Just one day, we'll see the same. We'll go get the big shoes. Only blast it to the beats. But we don't show this idea. Pass on the moment from Jean-Pierre. We will get ready to let it. We'll see how we'll make it. One nice day. Hey, see conditions are to be passed. Just one nice day. senti pa kase Paskou se soare pa pase Stil ap chache ou pa kache Sou kaman mwen ou se mwen ap chache Am ki rek nan pou boulon chéri mou kokorella Bel dash, bel lachite ti kokorella Divan sou plak, ete ou nou pout Ti bouchou de pous, nan pou se si ou mwen la Mwen vile komanse Mwen vile kompanse

pays n'en mène la traîne des misères. La destinée fait mal à ses bonheurs. Tout ça dans la pénitence. Félix, attracté sous vibration. Le pauvre avec sa défense. Ils vivent de la charité. Mais avec la générosité. La vie t'emmène, le jugement si matin. Ensemble, ensemble, on va avancer. Tu peux nous voir en vrai. t'en mentir. Tout le monde est après poché. Fort moins d'où la vérité. C'était un moment faiblesse. Un moment sans réfléchir. Mais à présent, je réalise que c'est où ma clé. L'amour nous dirait fort, nous qu'est-ce que c'est. Quand je venais au monde qui aime, on faut apprendre à respecter. Pour nous avancer, pour nous continuer ensemble, faut qu'on gagne confiance. C'est par hasard que je découvre que tu te joues de moi depuis des années. Jamais je n'aurais imaginé que tu vivais une double vie. Un jour pour moi, l'autre pour lui, c'est ma plus grande trahison. Ma chambre, ses relations, ça tape et gros déception. Pour l'amour, nous dirait fort, nous guérissons ses unités. Quand je venais au monde qui t'aimait, on faut apprendre à respecter. Te quiero mucho. se mèr de te me alye. Partage ki patyans, l'amour de ton essence. Ki jale pou mwen mè jou mwen te. Je dois arriver, comprendre tes visions. Sans même songer, jou à te ke vini. Spécial confort jusqu'à 17h. Hé hey, Ridla, tu voudras un... Oui, je... C'est avec un souvenir avec Tabou Combo, ça date des années 2000. Ouais. Ah, voilà. Bye. toujours pas douté que m'a triché. Le moins dans la vie m'a pressé pour rentrer. Pas dans le travail, c'est avec vous seul que passe tout le temps. Pas aucun appel privé qui montait. Pas qu'on a le caché dans machine pour parler. Thank you.

facile la chérie, au grand pouki. Ou qui demain qui prêche, ça met douleur. Tout ça oublé, moi qui t'ai vendu ma gueule parce que me connais, c'est où c'est vrai. Pas tendé, c'est où c'est vrai. Moi fais tout ça oublé, m'abandonner la société parce que me connais, c'est où c'est vrai. Pas tendé, c'est où c'est vrai. Malgré ça, on va comprendre. Ouvre ma en couleur. En couleur. Nexo, c'est méchant, eh. Alors là, plus d'eux, hein. Presque 17h sur les FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain. Même heure, même endroit, même ambiance. En tout cas, c'était Jakout, hein. Jakout Music, bien sûr. Nous pape dans Minor. Non, non, pas du tout. J'espère pas, en tout cas. Je vous retrouve la semaine prochaine. On termine avec un medley pour fêter les 50 ans de Tabou Combo. Et je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Ah, bye bye. Mes amis, pour nous faire pour nous tout qui comprend dans la vie, à part ce qui nous manque là, vous êtes sans savoir maintenant et moi, c'est la passe de la vie, la gata, ils ont le moment que nous sommes à vous. Ça c'est validé que nous pas monter, mais arrivé pour nous faire pour nous. Nous passons là, nous mangeons là, à part ce président, papa, voilà, vous devez pas faire le même métier. Sa famille n'a pas tout pour sous la base de vie, bon Dieu, c'est même mission en vie. C'est pas parce que n'a plus dans l'autre race pour nous passer la vie. Nous sa famille la vie, tout pour tout le temps de vie, mon Dieu, c'est même mission à nourrir. C'est pas parce que n'a plus dans l'autre place, pour nous passer la vie. Nous venons nous venons la guerre pour parler. Toi tu es musicien, elle serait épousée. Ma fille joue au piano. Et en harmonie. La FM en couleur. En couleur.